Prométhée noir, par André Rezé. C'était un soir, à l'étape en plein Sahara. Toute la journée avait déferlé sur nous, en vagues aveuglantes, des tourbillons de sable soulevés par la tempête à travers le Tannezruft. Nos méharas, fermant un œil du côté d'où venait le vent, avançaient avec peine, butaient et tombaient sur les genoux en poussant des beuglements désespérés. Il fallait les aider à se relever, les tirer par la bride, marcher sur ces cailloux serrés et calcinés qui s'effritent, se désagrègent, mais brisent les chaussures les plus solides. Nous nous étions arrêtés enfin dans une sorte de cirque fantastique entouré de rochers déchirés, ajourés, tordus, dont plusieurs dépassaient 20 mètres en hauteur et qui évoquaient les ruines d'un temple de l'Apocalypse, aux ombres effrayantes, dans la demi-clarté du soir. Bien que le vent se fût calmé, le froid était vif. Nos chameliers avaient réussi, je ne sais comment, à allumer un maigre feu, et assis en cercle sur des pierres, nous mangeons les maudites conserves de chaque jour, qui grinçaient sous la dent à cause du sable. Si misérable que fût ce feu, il créait un peu d'intimité dans la sauvagerie du décor, évoquant le foyer provisoire, tel que nous pouvons l'imaginer, des nomades préhistoriques. Quand la nuit fut complète, au lieu de nous endormir tout de suite comme nos compagnons et les bêtes, également assommés de fatigue, nous restâmes longtemps à causer, drapés frileusement dans nos burnous sales, Esquet, Renaudin et moi. Des histoires de brousse, naturellement. Près du Chari, 2 ans plus tôt, Esquet se trouvait dans une position difficile après une rencontre avec les Bafoulés, qui l'avaient tué tout son monde dans une embuscade, avait failli crever comme un chien errant, dans l'impossibilité où il se trouvait de faire du feu. C'était au début de la saison des pluies. Le sol de la forêt ressemblait à une éponge, un brouillard de buanderie. Rien à croûter et pas de feu. J'ai essayé 100 fois de produire une étincelle en frottant 2 bois l'un sur l'autre, comme je l'avais vu faire au noir. Ces bougres-là réussissent toujours. Nous n'aurons jamais la main. Il y a un coup à attraper qui nous échappe. Si un sergent du poste parti à ma recherche avec des miliciens ne m'avait retrouvé, j'étais fait. Ce qui prouve que face à face avec les forces de la nature, nous sommes inférieurs aux primitifs. Chaque fois que l'outil, la machine ne nous apporte pas leur aide. Parbleu, dis-je, nous avons tout désappris. Je voudrais bien savoir, reprit Esquet, comment le premier homme se procura du feu. J'imagine que, passant près d'un incendie de forêt, il prit un tison, une torche, et emporta son trésor en soufflant dessus pour entretenir la flamme. Vous blaguez? Mais il nous est difficile d'admettre une hypothèse très différente de celle-là. Les Noirs ont trouvé autre chose, affirma Renaudin, qui, ethnographe averti, connaissait beaucoup d'anecdotes et de légendes dont aucun livre n'a jamais fait mention. Une espèce de sorcier qui avait maille à partir avec les Portugais dans l'Angola et avec les Belges au Congo m'a raconté cela, dans le temps, à Brazzaville. C'est en somme l'histoire du Prométhée noir. Allez-y. Au commencement du monde, donc, les hommes n'avaient pas de feu. Ils eurent l'idée d'aller chercher là-haut, dans les nuages, un peu de celui qui, souvent, s'y montre en produisant un fracas épouvantable. L'un d'eux grimpa donc en l'air pour aller chercher le feu du ciel. Nous manquons de détails sur le moyen qu'il employa, peu importe d'ailleurs. Arrivé au premier ciel, le noir aperçut des hommes étranges, des moitiés d'hommes plutôt, puisque leur corps s'arrêtait à la ceinture. Cela le fit rire aux larmes, car il était d'un naturel gai. Au deuxième ciel, ayant vu d'autres hommes plus bizarres encore qui marchaient sur la tête, il les tourna en ridicule et continua son ascension. Au troisième ciel, il rencontra des gens qui se traînaient sur les genoux. Il leur adressa des colibets, les comparant irrévérencieusement à des limaces. Au quatrième ciel, enfin, habitait le dieu Mulungu. Le noir se prosterna respectueusement devant lui et lui demanda le feu du ciel. « Reviens demain, » répondit le Tout-Puissant, « et je te donnerai du feu. » Le noir revint donc le jour suivant et fut encore reçu par le Mulungu. Le dieu se tenait majestueusement dans un palais magnifique, sur un trône d'ivoire merveilleusement sculpté. Devant lui étaient alignés 10 somptueux vases d'or bossués de pierres précieuses, plus beaux que tout ce que l'imagination peut concevoir, et aussi de modestes vases de terre semblables à ceux que tous les noirs possèdent dans leurs cases. « Choisis l'un de ces vases, » dit le dieu. Le noir n'hésita pas, sauta naturellement sur un vase d'or et regarda immédiatement ce qu'il contenait. Le vase précieux ne renfermait que de la cendre. « Pourquoi ?» demanda le Tout-Puissant. « Tu t'es moqué de mes enfants hier, au premier, au deuxième et au troisième ciel. Va-t'en, le feu n'est pas pour toi. » Plusieurs hommes tentèrent le même voyage chez le dieu Mulungu, mais aucun ne vit ses efforts couronnés de succès. Alors une femme se décida à son tour. Tandis qu'elle montait vers le quatrième ciel, elle rencontra les hommes étranges qui n'avaient que la moitié d'un corps, ceux qui marchaient sur la tête et ceux qui rampaient comme des limaces. Plus adroite que ses prédécesseurs, elle les félicita tous de leur bonne mine, déclara qu'ils marchaient avec grâce et avaient véritablement fière allure. Le dieu l'ayant reçue, elle dansa, chanta et fit mille singeries pour lui plaire. Alors Mulungu lui offrit avec bienveillance de choisir parmi les vases d'or et d'argile. Elle prit modestement un vase de terre. Celui-ci, déclara-t-elle, est bien assez beau pour moi. La femme souleva le couvercle et jeta un grand cri d'admiration, car le vase contenait le feu. Depuis cette époque lointaine, les femmes passent pour être beaucoup plus subtiles que les hommes. Mais les hommes ont profité de la circonstance pour leur confier les travaux de la cuisine. Le Durantin se tut. Notre feu était mort. Chacun s'enroula dans ses couvertures et s'immobilisa. Seul régna au loin, près de nous, partout, la lente, la lugubre, l'éternelle chanson des sables. C'était Prométhée noir par André Rezé.